Chapitre 22e. C'est inutile, Afi. Monsieur Jiffin était au 7e ciel. L'excellent homme n'avait rien épargné pour donner à sa boutique un cachet de distinction et rendre sa maison aussi confortable que possible. Il n'attendait plus maintenant que l'heureux moment où il lui serait permis de devenir l'époux d'Afi Hallijohn. Quelques jours s'étaient écoulés depuis que Monsieur Jiffin n'avait eu le bonheur de rencontrer Mademoiselle Afi. À vrai dire, il ne l'avait pas revue depuis le jugement de Lineborough. Chaque soir, il s'était rendu chez elle, mais sans pouvoir se faire admettre. On lui répondait sans cesse, on lui répondait toujours. Elle est sortie. M. Jiffin aurait pu répliquer qu'Afi était chez elle, qu'il l'avait aperçue cachée derrière une des persiennes. Mais il ne le fit pas, pensant qu'à l'approche du mariage, il ne serait pas convenable de froisser ainsi les sentiments d'une jeune fille. La retraite absolue dans laquelle vivait sa douce fiancée flattait son amour-propre et caressait agréablement son cœur, car il l'attribuait naturellement à la modestie de Mademoiselle Afi. Un jour, cependant, tandis que M. Jiffin et son maître employé admiraient tous deux l'ordre et la propreté qui régnaient dans la boutique, et s'extasiaient devant les comestibles appétissants mis en montre vitrine, l'attention du patron fut subitement attirée vers une jeune élégante qui, de l'autre côté de la rue, trottinait en imprimant à son corps un dandinement gracieux. Sa robe de soie mauve était ornée de 18 volants au moins et surchargée de boutons d'acier qui brillaient au soleil. Son chapeau de paille noire était enjolivé d'une plume de coq à laquelle se mariait à ravir une plume d'autruche. Enfin, une résille qui descendait jusqu'à la quatrième vertèbre laissait entrevoir, à travers ses mailles enrichies de perles d'or, une chevelure des plus abondantes. C'était Afi Hallijohn. M. Jiffin sentit son cœur bondir en sa poitrine, et se débarrassant de son tablier, il se précipita au-devant de sa future moitié. « C'est donc vous ? » s'écria-t-il du ton d'un homme qui va rendre le dernier soupir. « Oui, c'est moi !» répliqua Afi avec autant de froideur dans sa réponse que l'autre avait mis de passion dans sa demande. « En vérité, M. Jiffin, ajouta-t-elle en refusant de serrer la main que lui tendait ce dernier, « je vous prie d'être un peu plus circonspect et de ne pas venir ainsi m'accoster dans la rue. Que vous ai-je donc fait ? » ajouta le pauvre homme. « Seriez-vous offensé ? À vous parler franchement ?» continua Afi avec un sang-froid imperturbable. « J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière entrevue, et je suis arrivé à cette conclusion que ce mariage n'est pas possible. Nous ne saurions être heureux ensemble. » M. Jiffin éprouva comme un serrement de cœur et une transpiration si froide que la glace humecta tout son corps. « Que me dites-vous là, mademoiselle Afi ? » grelotta-t-il. « Vous ne voulez pas que je renonce à vous ?»« C'est là, au contraire, ce que je désire, » poursuivit Afi. « Il n'y a rien de tel que la franchise. Nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Ainsi donc, mieux vaut nous séparer. » Le malheureux Jiffin avait peine à en croire ses oreilles. Ses yeux mouillés de larmes se fixèrent immobiles et suppliants sur ceux de sa bien-aimée. « Mademoiselle Afi, » reprit-il tout haletant, « c'est pour plaisanter, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas briser ainsi un pauvre cœur qui s'est donné à vous tout entier. Vous avez été l'étoile de ma vie. »« Je le sais, » interrompit-elle d'un ton outrecuidant. « Et je vous le répète, je ne puis me résoudre à devenir l'épouse d'un marchand de comestibles. Et d'ailleurs, voyez-vous, cet tablier me révolte. »« Je n'en porterai plus, mademoiselle, je vous le jure. Je prendrai un associé, mademoiselle. Je n'irai plus à la boutique. » J'achèterai un cabriolet, et je vous ferai faire des promenades toute la journée. Vous êtes bien bon, en vérité, mais c'est impossible. Ma volonté est maintenant arrêtée. Ainsi donc, adieu, monsieur Jiffin, et puissiez-vous trouver une compagne digne de vous. » Et se disant, Afi disparut en relevant gracieusement sa robe, car la rue venait d'être arrosée. Monsieur Jiffin la suivit quelque temps du regard, et de retour à sa boutique, il se mit à envier le sort de ses sardines, qui, elles au moins, dormaient en paix dans leur boîte de fer-blanc. C'est une affaire faite, m'en voici débarrassé, se disait Afi de son côté tout en poursuivant son chemin. Il faudrait en vérité que je fusse bien sotte pour consentir à épouser un tel homme, surtout après la révélation que Richard Hare a faite devant le tribunal. N'a-t-il pas dit, en effet, n'a-t-il pas juré qu'il ne songeait qu'à faire de moi sa femme légitime ? Il faut qu'il m'aime beaucoup pour m'avoir ainsi publiquement révélé son amour. Ah oui, je serai Madame Richard Hare. C'est pour le coup que j'ai excité l'envie de tout Westline. Madame Richard Hare, la belle-sœur de Madame Carlyle, la cousine, en quelque sorte, de cette charmante Cornélie. Quelle chance ! Et tout en se laissant aller avec délices aux idées sans fin que cette pensée éveille en elle, Afi Hallijohn arriva bientôt devant la maison de Judge Hare. Alors elle ralentit le pas. Depuis quelques jours, c'était sa promenade habituelle, sa promenade favorite. On en comprend la raison. Le hasard, aujourd'hui, lui fut enfin propice. Là, auprès de la grille d'entrée, se tenait Richard Hare. « Bonjour, monsieur Richard, » fit-elle avec empressement, s'apercevant que le jeune homme était peu disposé à renouer connaissance. « Vous n'allez pas ainsi vous enfuir d'une amie ?»« D'une amie ?» répéta Richard en s'approchant. « Ah, les amis, j'en ai tant à cette heure qu'en vérité, je ne sais plus qu'en faire. »« Vous souvenez-vous des jours d'autrefois ?» murmure la jeune femme en lui lançant ses plus tendres œillades. « Ah, pour cela, oui, je m'en souviens. Et il n'est guère probable que je les oublie jamais. »« J'en étais sûr, » poursuivit la séduisante Daffy. « Mon cœur me l'avait dit. »« Ah » ajouta-t-elle en appelant à son aide un soupir fortement accentué. « Vous ne saurez jamais ce que j'ai souffert depuis cette nuit terrible. » Depuis que vous êtes si brusquement fui, en me laissant seul avec mon désespoir. À d'autres, répliqua Richard. J'étais jeune et niais, mademoiselle, mais j'ai bien changé, voyez-vous. Ne réveillons pas le passé. Comment va monsieur Jiffin? Qu'est-ce à dire? Vociféra mademoiselle Hallijohn. Êtes-vous donc, vous aussi, du nombre de ceux qui se plaisent à répandre des bruits scandaleux sur mon compte? Avez-vous pu supposer que j'eusse songé, même un instant, à contracter une telle alliance? Je vous avoue franchement que je l'ai cru. Bien plus, je me disais que vous devriez vous croire fort heureuse d'avoir rencontré pour mari un tel homme. Allons, vous n'y pensez pas, monsieur Richard. Vous badinez, j'en suis sûr. Écoutez-moi, fille. Il m'est facile de dominer la folle idée que vous vous êtes mise en tête. Or, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de chasser au plus vite, et bien loin encore, de pareilles illusions. C'est inutile, voyez-vous, on ne m'y reprendra plus. La fille faillit s'évanouir. « Et c'est vous qui me parlez de la sorte ? » s'écria-t-elle avec effort. « Oui, moi-même. » J'ai appris hier que vous comptiez sur votre coquetterie. Pour me tourner de nouveau la cervelle, je vous le répète, la fille, ne perdez pas votre temps. C'est inutile. « Oh !» sanglota la jeune femme, comme si elle allait avoir des attaques de nerfs. « Oh ! C'est ainsi que vous me récompensez, moi, qui vous ai attendu, qui ai refusé tant d'offres de mariage, dans la pensée que vous m'étiez resté fidèle. » Et que vous reviendriez un jour faire de moi votre femme. Allons, du courage, affi, s'écria Richard, en riant à gorge déployée. Et pour vous récompenser, je demanderai à ma mère de vous donner sa pratique quand vous serez madame Jiffin. Richard rentra chez lui. Demeuré seul, affi eut bientôt séché ses larmes et calmé sa douleur. Puis, après avoir réfléchi un moment à ce qu'elle allait faire, elle prit le parti de rebrousser chemin. Arrivée à la porte de M. Jiffin, elle feignit de se trouver indisposée et d'un pas chancelant, elle entra s'asseoir dans la boutique. L'honnête Jiffin, assis au comptoir, s'en échappa au plus vite et courut auprès de sa bien-aimée. « Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous » fit-il avec tendresse. « Presque rien. La chaleur intense du soleil, la fatigue. Laissez-moi me reposer quelques instants. » M. Jiffin lui offrit le bras et s'empressa de la faire entrer dans son arrière-boutique. Une fois là, Mademoiselle Hallijohn examina d'un œil curieux l'arrangement de la pièce. Elle fut frappée du confort qui y régnait, et son action nerveuse recommença de plus belle. Elle poussait des sanglots et se tordait les mains, de manière à effrayer l'être le moins sensible. M. Jiffin était sur les épines. « Veuillez m'excuser si je vous ai fait entrer ici, » murmura-t-il. « Personne n'en saura rien. D'ailleurs, je serai discret. Je ne prendrai aucune liberté. Je me tiendrai à une distance respectueuse, à l'autre bout de la pièce. » Je vais même, si vous le désirez, laisser la porte ouverte et dire à ma servante qu'elle vienne ici auprès de vous. Voulez-vous accepter un petit verre ? Non, merci, soupira la jeune femme tout en faisant fonctionner son éventail. De plus en plus ému, de plus en plus intimidé par les charmes d'Affie Hallijohn, M. Jiffin demeura muet et dans un ravissement que l'on ne saurait décrire. Peu à peu, il s'enhardit et recouvrant la parole, il se hasarda à lui adresser quelques reproches. Comment ? Fit Affi en riant aux éclats. « Vous avez pris au sérieux ce que je vous ai dit tantôt. C'était une plaisanterie. » M. Jiffin crut qu'à son tour, il allait s'évanouir. « Vous êtes donc disposé à m'accepter pour époux ? » s'écria-t-il au comble de la joie et de la bêtise aussi. « Cela va de soi, parbleu. Il faut être bien niais, vraiment, pour se laisser attraper de la sorte. » M. Jiffin, à cette révélation, se fut volontiers soumis sans se plaindre à une roulée de coups de bâton. Il ne se sentait pas d'aise, et les épithètes, même les plus injurieuses, lui eussent produit l'effet de douces caresses. Tout tremblant et tout gauche, il s'empara des mains d'Affi, les porta à ses lèvres et les couvrit de baisers et de larmes. « Dieu qu'il est bête !» pensa la jeune femme, tout en le gratifiant d'un sourire des plus tendres. Et maintenant, un mot, un seul, touchant le misérable prisonnier enfermé dans le donjon de Lyneborough. La peine de mort à laquelle il avait été condamné fut commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Ah, nous pourrons le certifier, cet homme, ce sir Francis Levison, envie à présent le sort du pauvre Hallijohn. Lui, l'assassin, aurait maintenant donné tout au monde pour être l'assassiné. En proie au remords, en proie à la rage, il poussait à cette heure d'atroces gémissements et se tordant les mains, il se roulait sur les dalles humides de son cachot. À grands cris, il appelait à son aide la mort, et le regrettait qu'on se fût montré clément à son égard, qu'on ne l'eût pas pendu. Malgré lui, il fermait les yeux, alors qu'un rayon de soleil, pénétrant à travers l'étroite lucarne de sa cellule, venait lui parler du monde et de ses joies, puis il les rouvrait soudain et comme effrayé de cette contemplation intérieure, pour lui si pleine de honte et d'ignominie.